Vendredi 25 octobre 2013, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour porter, fidèle à notre habitude, des regards sur le 9e art et des regards un peu perspective historique cette semaine, puisqu'en début et en fin d'émission, on portera un regard sur l'humour format magazine au Québec et aux États-Unis. Alors en ouverture, on portera un regard attentif sur les anécros, sur l'histoire de ce magazine qui a animé la scène humoristique, la scène BD québécoise des années fin 70 jusqu'au début des années 90. Alors, on aura le plaisir de recevoir l'un des co-auteurs de ce volume quand même assez imposant, il faut le dire également. Alors, Jean-Dominique Leduc sera avec nous. Également, en fin d'émission, en chronique, on aura le plaisir d'avoir avec nous Mathieu Place, qui, lui, nous fera l'histoire du magazine Mad, le populaire magazine d'humour plutôt grinçant à l'américaine. Alors, ce sera donc nos deux parenthèses. Et au cœur de tout ça, eh bien, on portera également un regard sur l'ouvrage Les Deuxièmes, le dernier né de Zvian, aux éditions Pow Pow. Donc, une œuvre intimiste, une œuvre musicale, une œuvre sensuelle également, qu'elle nous propose. Alors, on l'explorera en sa compagnie tout à l'heure. Alors, c'est le menu pour cette semaine. Sinon, petite mention, tiens, au passage, dans nos actualités BD, comme à l'habitude, mention et félicitations, il faut le dire, à Thomas-Louis Côté, qui est directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, qui est en nomination au prix des arts, au prix d'excellence des arts et de la culture de la ville de Québec. En fait, plus précisément, il est en nomination pour le prix du développement culturel du Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, en fait, ce qu'ils appellent le prix François Samson. Qu'est-ce que ce prix? Eh bien, c'est un prix qui honore une personne dont l'initiative récente a eu un impact significatif sur le développement culturel. Et Thomas-Louis Côté est en nomination pour, nous dit-on, avoir donné un essor et un dynamisme remarquable au Festival de la bande dessinée francophone de Québec, notamment à travers de nombreux partenariats qu'il a développés au Québec et à l'étranger. Alors, il est en nomination dans cette catégorie aux côtés du chorégraphe, interprète, directeur artistique de Code Universel, Daniel Bélanger, ainsi que des dames des Incomplètes, Josiane Bernier, Audrey Marchand et Laura Rance P. Lafaille. Alors, deux organismes, deux groupes, plusieurs intervenants qui également font rayonner la culture de Québec un peu partout. Alors, ben, félicitations à Thomas-Louis Côté et on sera donc la semaine du 25 novembre s'il remporte ce prix. C'est loin peut-être, c'est presque un mois, mais c'est quand même plus proche que 2052. Pourquoi je vous mentionne 2052, ce n'est pas du tout par hasard, c'est peut-être que vous vous demandiez, parce qu'il y a le nouveau Astérix là, qui vient d'arriver en librairie, je l'ai lu hier d'ailleurs, et parenthèse absolument non reliée, c'est correct comme histoire, c'est meilleur que les Uderzo qu'on a eu au fil des dernières années, de manière générale. Bon, vous me direz, c'est peut-être pas facile à battre, mais bon, ça reste que ça réinvente pas Astérix. Mais pourquoi je mentionne Astérix, pourquoi je mentionne ces reprises également qu'on nous offre de divers personnages? Eh bien, c'est simplement pour vous dire qu'on a eu donc la date de ce prochain Tintin qu'on attend peut-être pour certains avec une relative impatience. Eh bien, donc, ce sera, tel que je l'ai mentionné, 2052. Donc, dans 40 ans, un prochain album de Tintin qui arrivera. On ne sait pas encore exactement sous quelle forme ça va se passer. Et pourquoi a-t-on ciblé une date certes si lointaine? Eh bien, c'est parce que Hergé est décédé le 3 mars 1983 et selon les lois liées au domaine du droit d'auteur, domaine public et le reste, eh bien, les droits de Tintin tomberaient dans le domaine public, donc 70 ans plus tard, ce qui nous amènerait en 2053. Et ils disent, ben regardez, nous on veut produire un produit original, un album original, quelque chose pour garder, pour conserver les droits d'auteur. Alors, c'est ce qu'ils feront. Il faut dire, il faut spécifier que Hergé avait demandé à ce que Tintin ne continue pas sans lui. Alors voilà pour ce petit clin d'œil. Et sinon, en musique, la formation qui nous accompagnera au fil de l'émission s'appelle Yarzimier, avec un album qui s'appelle Brutal and Aggressive. On en écoute un premier extrait, Dark Galactica. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL, en vous rappelant que si vous voulez réécouter les émissions, eh bien c'est possible de le faire via Balado Diffusion, via notre blog lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, on a le plaisir d'avoir avec nous au bout du fil chroniqueur BD, auteur du livre Les Années Crocs, co-auteur en fait avec Michel Viau du livre Les Années Crocs, qui a été lancé un peu plus tôt cette semaine, un ouvrage, j'ai presque envie de dire monumental, qui s'intéresse, qui nous fait l'histoire de ce magazine, l'histoire du magazine qu'on riait. Jean-Dominique Leduc, bonjour. Bonjour, Raymond. Alors, peut-être en fait... Si on commence par le début, par la genèse de ce projet-là, qu'est-ce qui a été un peu l'élément déclencheur, l'élément qui vous a donné envie, avec Michel Viau, de replonger dans l'univers de Crocs, de partager son histoire, de découvrir et redécouvrir son histoire? En fait, la pulsion de départ vient de Michel Viau. C'est un projet que Michel caressait depuis déjà quelques années. Il avait d'ailleurs consacré tout un chapitre à l'histoire du magazine Crocs dans le défunt fanzine mensuel qui était piloté par Francis Hervieux. Et donc, Michel avait envie de faire cet ouvrage-là, mais sentait que c'était impossible pour lui de faire ça seul. Et donc, lui, la portion qui l'intéressait moins dans l'ouvrage, c'est les entretiens. Faut savoir que Michel est un est quelqu'un d'assez timide, je dirais. Et donc, après avoir échangé à quelques reprises avec lui, lorsque j'écrivais pour le Journal de Montréal, c'est-à-dire que parfois j'avais à vérifier certaines informations, et il faut savoir que Michel Viau, c'est quand même un des grands gourous de l'histoire de la bande dessinée québécoise. Oh oui. Et donc, au fil du temps et de nos échanges téléphoniques, à un moment donné, il m'a lancé l'invitation, il m'a dit « Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait que de collaborer avec moi à l'écriture d'un ouvrage pareil? » Spontanément, j'ai dit oui. Il m'a dit « Ouais, mais prends quand même le temps d'y penser. » Je disais « Non, non, regarde, j'y ai pensé, c'est oui. » Parce que moi-même, j'ai été un très, très grand fan du magazine Crocs. Et à l'âge de 7 ans, quand j'ai découvert le personnage de Red Ketchup dans le magazine que mon père lisait, j'ai complètement abandonné Tintin. J'ai perdu tout intérêt dans Tintin. et même si on replace aussi globalement, en fait, Crocs a comme une place quand même extrêmement importante dans l'imaginaire collectif d'à peu près tout Québécois, Québécoise qui a vécu dans les années où le magazine existait. Et parallèlement, pour le milieu de la BD, j'ai l'impression que c'est aussi un des éléments qui a amené à une certaine professionnalisation, si on peut dire, du métier de BDiste. Ben, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation-là. En fait, le magazine Crocs a été très, très important au niveau de deux pans culturels québécois, celui de l'humour et celui de la bande dessinée. Il a donc largement contribué, ce magazine, à professionnaliser ces deux médiums au Québec. faut savoir qu'à l'époque, les illustrateurs, dont Réal Godbout, Pierre Fournier, Claude Cloutier, Serge Gaboury, alors, c'était la première fois que des auteurs de bande dessinée étaient payés pour faire ce métier-là. Ce qui n'est quand même pas rien, mm-hmm. parce que depuis la mort du magazine Crow, bon, Safarir a survécu au magazine Crow, mais il y a très, très peu de magazines depuis qui peut encore payer des auteurs de bande dessinée. Donc, à ce titre, non seulement c'était aussi au niveau de payer des auteurs, mais ils ont aussi développé, ils ont produit des albums mm-hmm. de bande dessinée. Et ça aussi, c'était une nouveauté au Québec. C'est-à-dire que Crow a produit des albums, par exemple, de Michel Risque, de Sombre Vilain, quelques albums de Serge Gaboury, mais qui n'étaient non pas distribués en librairie, mais dans les kiosques à journaux. Ce qui fait que Crow vendait en moyenne 10 000 exemplaires d'un album, par exemple, de Michel Risque. Mm-hmm. Ce qui, vous en conviendrez, est énorme, même encore oui. aujourd'hui. Et même, j'ai l'impression, au niveau du nombre de lecteurs seulement du magazine, et ce qui explique peut-être aussi assez bien le succès des albums qui étaient vendus un peu dans le même schéma, je pense que j'avais entendu à quelque part que pratiquement un Québécois sur six lisait Crow et qu'un exemplaire du magazine était lu par à peu près, quoi, 10 personnes. Ben voilà, c'est-à-dire que quand un magazine entrait chez l'abonné, c'est ça, donc il faut... En fait, on dit qu'on multiplie par 5 ou par 6 le nombre de lecteurs. Donc, dans ces belles années, Crow vendait 80 000 copies. Alors, c'est donc dire que ça a marqué, et aussi ça a marqué l'imaginaire collectif, parce que ça a été une pépinière extraordinaire mm-hmm. de talent, non pas seulement pour la bande dessinée, évidemment, mais aussi pour l'humour. Il y a de très, très grandes plumes qui ont débuté dans le magazine. C'est notamment le cas de Stéphane Laporte, le cas de Guy Lepage, du cinéaste Stéphane Lapointe, pour ne nommer que ceux-là qui étaient vraiment de jeunes talents. Yvon Landry aussi, de la région de Québec. Et donc, Gilles Payet aussi. Et donc, c'est un magazine qui a explosé, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de ces anciens artisans qui sont encore omniprésents ou présents dans les différents médiums au Québec, que ce soit la télévision, le cinéma, la presse écrite. Et donc, en ce sens, c'est un magazine qui a profondément marqué la culture populaire québécoise. Il faut savoir aussi que c'est un magazine qui a existé entre deux référendums. Mm-hmm. Et donc, évidemment, ça colore toute cette aventure éditoriale-là. Oui, parce que j'imagine, en fait, dans la mesure où, en plus, Crow était vraiment complètement ancré dans l'actualité, qu'il abordait de manière irrévérencieuse, parodique, humoristique. Et donc, dans le fond, on replonge aussi, replonger dans les archives de Crow, c'est replonger à travers une époque, à travers les réflexions qui ont animé cette époque-là. Oui, et non seulement ça, je vous dirais que à l'écriture de cet ouvrage-là et lors de nos recherches, évidemment, Michel Vieux et moi avons lu et relu le corpus complet de Crow, et on se rend compte à quel point le Québec a très peu évolué, parce que des gags des années 80, on les lit, on les rit encore. Alors, sur le coup, c'est rigolo, mais quand c'est on un peu déprimant. Pense 10 minutes, c'est un peu déprimant, comme vous le dites, parce qu'en fin de compte, on se rend compte que le Polaroid du Québec que Crow nous sert, ben en fait, c'est à peu de choses près la même chose. Il y a même encore de leurs têtes de Turcs qui sont actives. C'est quand même incroyable, là. Et autant au niveau politique qu'au niveau culturel. Mmh. Et on est en droit de se demander aujourd'hui, qu'aurait l'air Crow? Évidemment, l'actualité est tellement riche. La Charte des valeurs, la Commission Charbonneau... On se demande comment Crow aurait pu traiter ce matériel, ma foi, fort riche. Oui, moi, comme lecteur, je peux pas m'empêcher de m'ennuyer de Crow, justement, à cause de ça. Oui, mais inversement, le risque, j'ai l'impression, c'est que le contexte de création, on est venu un peu à changer à deux niveaux. J'ai l'impression, d'un côté, qu'on a beaucoup plus un humour qui est omniprésent dans à peu près toutes les facettes oui. de la société, bon, peut-être aider avec les médias sociaux. Pas de l'humour politique, mais de l'humour social. L'humour human interest. Et à côté de ça, on a un contexte où il y a cette quête du politically correct qui fait que... j'ai comme l'impression qu'on pourrait pas avoir un contenu, avoir une approche éditoriale aussi rafraîchissante, j'ai l'impression, que Crow. Quand on regarde Crow avec nos yeux d'aujourd'hui, on se dit, mon Dieu, à quel point il pouvait se permettre de choses, à quel point il s'en permettait. Oui, parce qu'à l'époque, je pense que le terme rectitude politique n'existait à toute fin pratique pas. C'est hallucinant. Il est clair qu'aujourd'hui, Crow aurait besoin d'une armée d'avocats parce qu'il serait toujours sous le joug de poursuites. Hein. Maintenant, ce qu'on vit avec les médias sociaux, moi, c'est ce que je me plais à appeler l'indignation du jour 2.0. Là, on a vu cette semaine, par exemple, la simili-rupture de Marie-Lou Wolfe et de Guillaume Métivier-Gé. On a vu des dérapages, notamment avec Gabriel Roy. Alors, on s'indigne pour ça, alors qu'au fond, il y a des enjeux beaucoup plus graves que ça dans le monde dans lequel on vit présentement. Et là, tout de suite, on a vu un soupçon de poursuite là, qui pouvait traîner à l'endroit de Gabriel Roy. Alors aujourd'hui, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire parce qu'il y a des gens qui font ça professionnellement parlant, s'indigner. Évidemment, à l'époque, dans le contexte... Alors, Jacques Courtubise, Hélène Fleury, Roch Côté, Pierre Huet étaient de jeunes gens qui n'avaient pas froid aux yeux, qui avaient des opinions et qui ne se gênaient pas pour le faire, pour les dire. Et des fois, ça va loin. En fait, je pense que la couverture, et d'ailleurs, je pense qu'elle est revenue pas mal au fil de la couverture médiatique qu'il y a eu autour du livre Les Années Crow. C'est cette couverture 10e anniversaire de la crise d'octobre avec le gâteau dans le coffre de l'auto. Ouais, ça sortira aujourd'hui, ça serait le scandale. Ça serait fini. D'ailleurs, c'est ma préférée. Moi, pour moi, cette couverture, cette illustration, je trouve qu'elle résume totalement et entièrement ce que Crow pouvait être comme magazine satirique. Et aujourd'hui, c'est pratiquement impensable. D'ailleurs, il faut savoir que Crow, en 15 ans d'existence, a eu seulement deux petites poursuites très, très gentilles, en fait, qui se sont rapidement réglées. C'est donc dire qu'on prend aussi la pleine mesure de l'époque dans laquelle on vit maintenant. Puis effectivement, c'est très confrontant de voir à quel point maintenant... on ne prend plus la liberté ou on ne nous accorde plus cette liberté d'expression-là. Mis à part même les caricaturistes. Hein. D'ailleurs, Garnotte, qui était un des grands contributeurs du magazine Crow, aujourd'hui, qui depuis de nombreuses années, qui est caricaturiste au journal Le Devoir, on est en droit de se demander si un homme et un artiste comme Garnotte ne doit pas aujourd'hui y penser à deux fois avant de coucher sur papier une caricature. Mmh. Alors que je suis convaincu qu'à l'époque de Crow, la question ne se posait pas spontanément. Non, effectivement, c'est le fait de voir un peu. Puis j'imagine, au fil des entretiens, on découvre aussi l'imaginaire qui a mené ou les circonstances qui ont mené aussi à ces types de choix-là et qui devait parfois même, j'imagine, aussi en rédaction être sujet à débat, être sujet à discussion. Jusqu'où on peut aller, jusqu'où on se permet d'aller, est-ce qu'on commence à étirer trop justement cette corde qui était beaucoup moins présente dans les années 80, mais quand même, là, c'est... Oui, il faut savoir aussi que le magazine s'est transformé au fil du temps. Mm-hmm. C'est sûr que les grandes plumes du magazine ont été rapidement interpellées par le médium de la télévision. Donc, milieu des années 80, tout à coup, le Festival de l'humour arrive... le médium de l'humour se développe beaucoup au Québec et la télévision est venue chercher les meilleures plumes du magazine Crow, ce qui fait qu'au début des années 90, il y a eu tout un renouveau. On doit notamment Pimentfort au Triumvirat qui était dans Crow, soit Jean-Pierre Plante, Yves Tachereau et Serge Grenier. Ce sont les créateurs de cette émission de télévision qui a fait couler beaucoup d'encre, on s'en souvient, dans les années 90. qui a été à la base de certains scandales, en tout cas, qui a touché beaucoup de gens. Donc, il a fallu remplacer ces auteurs-là. Et là, il y a une nouvelle génération de jeunes auteurs qui sont entrés au magazine. Et, autre époque, autre mœurs. Donc, oui. Évidemment, le magazine a peu à peu perdu un peu de son mordant. Et est-ce que c'est pour ça, justement, qu'en 95, finalement, il en est venu à fermer? Est-ce que c'est en partie, du moins, à cause de ces changements d'identité-là, à cause qu'on avait peut-être perdu ce qui avait fait le succès du magazine aussi dans les années 80? Il y a plusieurs théories qui entrent en ligne de compte. Il y a notamment l'entrée en vigueur de la nouvelle taxe au début des années 90 qui a, au niveau financier, fait très, très mal à Crowe. Il faut savoir aussi que dans les années 80, Crowe a vraiment été précurseur du Web 2.0 qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'à l'époque, ils ont vraiment décuplé les efforts et ils ont créé une émission de radio, ils ont créé une émission de télé. Donc, ils ont été transmédia bien avant que le terme existe. Ils ont aussi créé des magazines satellitaires. On pense notamment à Titanic, qui était strictement dédié à l'endroit de la bande dessinée québécoise. Il y a eu Anormal, un magazine jeunesse. Il y a eu Mad Québec. Il y a eu aussi Maximum, qui était une revue adulte. Et donc, évidemment, ça coûte de l'argent faire ça. Et ils ont pris d'énormes risques, les gens de Crowe, Jacques Urtubise, entre autres, qui était à la tête du magazine, le cofondateur, et ça leur a coûté cher. Alors, c'est sûr qu'il y a ça aussi qui est entré en ligne de compte. Il y a aussi l'arrivée de Safarir, même si le magazine Safarir s'adressait à un autre public, Safarir est venu chercher des auteurs de Crowe. Il y avait une clique d'auteurs qui étaient installés à Québec. Et évidemment, comme Safarir, au point de départ, était basé à Québec, ils ont offert un pont d'or à ces auteurs-là. Il y a ça aussi qui entre en ligne de compte. Et le milieu du magazine s'est énormément transformé. D'ailleurs, aujourd'hui, on se demande, est-ce que c'est encore viable de faire un magazine au Québec? Parce que des tirages de 80 000, ça n'existe plus. On n'a qu'à penser aux fameuses photos de mariage de Véro, le Elle Québec, qui avait tiré à 35 000 exemplaires. Mais à l'époque de Crowe, 35 000 exemplaires, c'était rien là, quand on en vendait 80 90 000. Donc, c'est plusieurs facteurs. Et aussi le fait que, justement, les plumes mordantes du début des années de Crowe, tout à coup, sont parties vers la télévision, vers la radio, là où c'était beaucoup plus payant. Peut-être qu'à ce moment-là, le magazine n'a pas su vraiment se renouveler. Mm-hmm. Alors, c'est un paquet de facteurs qui ont fait que Crowe... Et malheureusement, est mort de sa belle mort. Et de votre côté, Jean-Dominique Leduc, dans la rédaction donc de cet ouvrage, j'ai envie de dire un ouvrage de référence d'ailleurs, parce que c'est on a tout là-dedans, ça va du très petit détail au portrait, au survol général. Qu'est-ce que vous en gardez, vous, en tant qu'auteur, et qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs qui plongent là-dedans en gardent peut-être de cette histoire quand même extrêmement riche et extrêmement documentée de votre côté, là, évidemment? Oh, ouais. C'est une excellente question. plusieurs choses. En fait, j'aimerais que le lecteur, justement, réfléchisse comme citoyen et aussi comme Québécois, en replongeant dans le Québec d'antan, qui réfléchisse donc à ce qui est devenu le Québec et est-ce que nous avons collectivement envie de continuer dans cette rectitude politique-là. Et quand je dis rectitude, je parle à tous les points de vue, hein, mm-hmm. du point de vue sociétaire, mais aussi du point de vue créatif. Maintenant, on ne prend plus de risques, hein, ni à la télé, si peu au théâtre. Partout, je trouve que la prise de risque n'existe pratiquement plus. Maintenant, on se soucie beaucoup de plaire. On pense beaucoup en termes d'entrée de salle, de cote d'écoute. Alors qu'à l'époque, c'était pas ça le nerf de la guerre. À l'époque, c'était le contenu. Alors ça, c'est une réflexion que j'aimerais que les lecteurs aillent. Mm-hmm. Si c'est possible, évidemment. Mais comme je suis un grand fan de la bande dessinée, je suis très heureux aussi que cet ouvrage-là mette en lumière la contribution de très, très grands créateurs que toute une nouvelle génération ne connaît pas. Évidemment, les éditions de la Pastèque ont réédité les Michel Risque, rééditent le corpus de Red mm-hmm. Ketchup. Alors, c'est très, très chouette. Il y a aussi Gilles Lajungle et tous ces personnages et tous ces artistes-là que je souhaite que de nouveaux lecteurs redécouvrent. Et si ça peut donner envie à certains éditeurs... De replonger, de réessayer. Voilà, écoutez, c'est sûr que vous le savez, et j'imagine que vous avez le même souhait, quand on parle d'un objet culturel, quand on parle d'une bande dessinée, d'un auteur, d'un éditeur, ça fait toujours plaisir de jouer les entremetteurs aussi. Et mm-hmm. si le livre permet ça, eh bien, tant mieux. Et puis, si ça permet justement des gens de découvrir l'histoire du Québec à travers celui de ce magazine-là, de ce très, très grand magazine, Ben, on sera très, très heureux, Michel et moi, assurément. Et tout ça avec force d'image, parce que on l'a mentionné, on pourra se laisser un peu là-dessus aussi. Il y a les entretiens, vous en avez parlé, il y a le côté historique, mais il y a également beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel visuel, des planches, des trucs inédits aussi qu'on découvre là-dedans. Et j'imagine, on peut pas parler d'un magazine visuel sans le montrer. Là, c'est... Non, et il faut dire aussi que cet ouvrage-là a été écrit par deux geeks. qui sont très exigeants comme lecteurs et qui ont voulu faire un livre on a fait le livre qu'on aurait aimé acheter, nous, comme lecteurs. C'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, évidemment, ce sont exactement les trois angles qu'on a abordés, celui historique, celui des entretiens et celui aussi du matériel. Et donc, comme ça, on s'est dit aussi bien en mettre un maximum pour que les gens aient vraiment de quoi se mettre sous la dent. Et c'est ce qu'on découvre donc chez Québec Amérique, ça s'appelle Les Anécros, l'histoire du magazine qu'on riait. C'est écrit donc par Michel Viau et Jean-Dominique Leduc. Jean-Dominique, merci beaucoup. Merci beaucoup, Raymond. Et au plaisir. À très bientôt. Alors voilà donc Les Anécros. Et nous, on repart avec un petit extrait musical, toujours dans l'esprit 8-bit. Et toujours la vie en BD. Avant d'aller en pause, je prends quelques instants pour mentionner la sortie, il y a quelques semaines déjà, du nouveau tome de Zidara 9, tome spécial horreur et science-fiction. Et c'est édition un peu limitée dans la mesure où on cherche à promouvoir, diffuser et rendre disponible, dans le fond, cet ouvrage, ce recueil d'à peu près 80 pages, seulement pour le mois d'octobre. Alors, autour, évidemment, et en route vers Halloween. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans ce magazine? Ben, différents regards, comme à chaque sortie, d'ailleurs, différents regards sur la thématique, sur l'esprit général de l'horreur et de la science-fiction. Et comme à l'habitude, en fait, c'est ce qu'on remarque dans ce type de production-là. Ben, il y a du bon et il y a du moins bon. Il y a des récits qui fonctionnent bien, qui réussissent à bien rouler sur quelques pages, 8 planches, souvent. Et il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus faibles. Et au travers de ça, on découvre un peu, au bout du compte, un bel équilibre entre ces éléments-là. Et on apprécie particulièrement, évidemment, les segments qui marchent bien. C'est sûr qu'à chaque parution de recueil, j'ai toujours des petites déceptions quand on nous offre, exemple, des histoires qui servent un peu d'introduction à un personnage. On a l'impression que c'est plus un début d'album, une genèse. J'apprécie plus personnellement, en tant que lecteur, les récits qui font apparence de nouvelles. Donc, on nous développe, on nous présente un univers et, oups, un revirement à la fin, quelque chose un peu à l'image, dans le fond, de la nouvelle littéraire. Et il y en a quelques-unes là-dedans avec, justement, des histoires et des punchs qui marchent bien, qui sont bien amenés. On pense à Livraison rapide de Nicolas Hulgen et Yann Brouillette. On pense au Robot perdu, l'adaptation d'une nouvelle d'Isaac Asimov par André Gag Gagnon. Entre autres récits, en fait, donc qui marche bien. Il y a également, je crois, en fait, Frais du jour, où on va chercher, on joue un peu avec ça, bien mérité. Donc, quelques-unes comme ça qui, je trouve, en termes de récits, ça marche bien et on a l'impression un peu de retomber dans un certain esprit de petites histoires, de courtes histoires, un peu dans l'esprit Tales from the Crypt ou des choses comme ça. Et c'est là qu'on trouve que, justement, ça marche bien. C'est ces récits-là, au bout du compte, dont on va souvent venir au terme justement de la lecture de Zidara 9 volume 4. Alors, donc côté histoire, ben en fait, Robot perdu d'André Gagne, Gagnon, par exemple, donc on se retrouve avec un robot qui, lui, ne sait plus qu'est-ce qu'il fait, essentiellement, qu'est-ce qu'il doit faire, finalement reçoit des ordres d'un humain et en vient à créer une arme terrible, j'en dis pas plus, donc on a quand même une bonne amorce avec ça, d'ailleurs, pour André, c'est un retour à une histoire quand même un peu plus longue, lui qui nous avait habitués à découvrir seulement sur des courtes plans. Et on a aussi, ben, par exemple, Livraison rapide de Yann Brouillette, où on retrouve en fait des aventures un peu rocambolesques d'un livreur qui a une lettre à livrer. Mais finalement, quel est le contenu de cette lettre également? Donc, des séquences d'action quand même assez cocasses. Alors, un petit côté décalé qu'on retrouve dans certaines de ces histoires-là qui marchent aussi quand même assez bien. Alors, ben, c'est à l'égal des autres recueils, une qualité qui est quand même assez constante avec du bon qui marche bien. Alors, si jamais vous avez envie d'y jeter un coup d'œil, elle est disponible dans certaines librairies. Vous avez plus d'informations également sur zidara9.com. On prend une courte pause. À venir, Zviane et Mathieu Place. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 25 novembre, 20h, au Cercle. Bleu contre rouge, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Lorsque l'été est terminé, qu'il emmène avec lui la lime framboise, tous les palmiers, tous les bananiers... Ça signifie que l'automne est arrivé. Et avec lui, la bonne cuivrée au thé. Yeah! Arrête ça! La cuivrée au thé! Hey! Cuivrée au thé! Eh oui, c'est la Barberie. Ouais, disponible dès cet automne. These things will be until... Le Cercle fête ses 6 ans le 8 novembre prochain. Dès 18h, vivez l'expérience du Cercle avec les créations de plus d'une trentaine d'artistes et collaborateurs. Sentez-vous transporté par un amalgame de projections, danses, d'installations sonores et par les spectacles de Rich au coin, à la Claire Ensemble et de plusieurs DJ. Toutes les infos et concours pour gagner un laissez-passer sur 6ans.ca. Le Ciné-Club Spirafim au Cégep Limoilou est de retour. Pour sa première soirée, voyez le long-métrage Manners of Dying mettant en vedette Roy Dupuis. Le réalisateur Jeremy Peter Allen sera présent afin de partager son expérience de cinéaste. La séance sera précédée du court-métrage Tombé dans l'œil de Hugo Bellassen. Rendez-vous à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou le 28 octobre à 19h. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socio-culturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, le Bal du Lézard, chez Fratelli et CKRL. Spirafilm.com. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30. Vous êtes à l'écoute de La Vie en BD, votre magazine dédié au 9e art, ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Et je vous rappelle également, ben, si vous voulez nous suivre un peu plus ardemment, eh ben, c'est possible de le faire notamment via Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Et vous pouvez également me suivre plus ardemment sur mon blog, voir.ca/Raymond-Poirier. Alors cela étant dit, les autoplogues étant faites, on porte maintenant notre regard sur une nouvelle parution qui est arrivée il y a quelques temps chez les éditions Pow Pow. Il s'agit du dernier né de Zviane, ça s'appelle Les Deuxièmes. Il est avec nous au bout du fil pour en parler. Zviane, bonjour. Oui, bonjour Raymond. Alors ici en fait, si on avait à décrire un peu l'univers de la BD, je m'étais dit une BD un peu sur les relations intimes, sur l'attirance charnelle, intellectuelle, sur l'amour et son absence. Est-ce que ça serait un peu comme ça qu'on présenterait peut-être l'univers des Deuxièmes? Oui, c'est une excellente piste pour en parler. En fait, il y a pas mal d'affaires dans cette BD-là aussi. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui t'a amené justement vers ce type de récit-là? Parce que j'ai l'impression que c'est pas encore... C'est un registre dans lequel on t'avait... autour duquel on t'avait eu flirté, mais là tu tombes peut-être plus à pieds joints dedans. Ben, en fait, j'avais déjà fait des récits un peu érotiques auparavant, dont un colosse il y a nombreux millénaires. Mais sinon, disons que ça m'a toujours intéressé l'histoire d'amour dès le départ. Donc, j'étais déjà vendue. J'en ai déjà mis des fois dans une couple de récits que j'avais fait avant, mais vraiment, cette fois-ci, je m'intéressais juste à ça. T'sais, il y a juste deux personnages, il n'y a aucun autre personnage secondaire. On se concentre juste là-dessus. Oui, mais en fait, on les met carrément en huis clos. Les seuls contacts, c'est le fruit d'autres moyens de communication. C'est un choix aussi, j'imagine, de vraiment justement se donner l'espace pour vraiment explorer un moment dans la vie de ces deux personnes-là. Ouais, mais c'est ça. Le récit se passe sur une période de temps en fait assez courte. Mm-hmm. Donc, en fait, je le considère un peu comme si c'était une nouvelle. On le lit comme si c'était une nouvelle, c'est-à-dire le temps est court, on suit juste deux personnages qui sont comme enfermés dans un... Ben, ils sont pas enfermés, mais en tout cas, ils sont dans un chalet, ils sortent pas parce qu'il pleut. Donc, je peux vraiment me concentrer sur qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnes-là. C'est pas la première fois que je fais des huis clos non plus, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, parce que je peux vraiment me concentrer sur la tension entre les personnages. Et à travers les deuxièmes, j'ai l'impression que pour le lecteur, en fait, du moins, comme je l'ai perçu, j'avais l'impression de regarder un moment de vie, une parenthèse, dans le fond, à travers un trou de serrure, presque, en fait, d'être un peu voyeur dans un moment d'intimité de ces deux personnes-là. Ben oui, en fait, c'est sûr que on peut se sentir un peu voyeur parce que on voit des aspects de la vie de ce couple-là qui est un peu, comment dire, ben, on voit des scènes de sexe. Aussi. On voit des relations sexuelles, mais pas juste ça, on voit aussi comment les deux interagissent. Puis en fait, on va vraiment plonger dans leur intimité. Il n'y a pas vraiment de comment je pourrais dire. C'est quelque chose qui est... Je pense qu'il y a des gens qui pourraient se sentir un peu mal à l'aise de voir quelque chose qu'ils ne devraient pas voir d'une certaine façon. Parce qu'en fait, dans la mesure où tu gardes, j'ai l'impression, un certain mystère autour de ces personnes-là, dans mesure où le moment que tu nous proposes dans les deuxièmes, c'est ce moment-là et on ne s'amuse pas à faire « OK, elle travaille dans tel domaine » ou « ça, c'est sa vie avant » puis c'est le contexte, c'est le moment, point. Ouais, ben c'est sûr que si on lit le texte, il y a des petits indices. Mais comme les deux personnages n'ont pas de nom non plus, mm-hmm. je tenais vraiment à ce que la fille a pas de nom, le gars a pas de nom, ils s'appellent pas par leur nom non plus. Donc, je vais juste comme s'immiscer un peu dans l'intimité pour une courte période, puis ensuite on se retire, puis c'est la fin du récit. Donc, non, je voulais vraiment me concentrer sur qu'est-ce qui arrivait pendant ce moment-là. Et ce qui arrive, évidemment, est lié aussi à la chimie qu'on doit installer entre les deux personnages, autant par les paroles que par le dessin. Faut que le mix fonctionne, faut qu'on y croit, faut qu'il y ait quelque chose qui se dégage de ça. Donc, ça doit être quand même un certain défi côté auteur de s'assurer, justement, que le sentiment qu'on veut présenter, ben qu'il transparaisse à travers la planche, à travers le récit. Ben oui, mais en fait, c'est ça qui est le fun avec la bande dessinée, c'est que j'ai vraiment beaucoup d'éléments pour m'aider à faire ressortir ça. En fait, un de mes buts au départ, c'était de faire une BD d'atmosphère, d'une certaine façon. Je voulais qu'on sente l'atmosphère comme, tu sais, comme quand il y a un orage, mais que c'est quand même super clair, puis qu'il y a comme une petite ambiance électrique, là. Puis en fait, j'ai essayé de rendre cette atmosphère-là, oui, par les personnages, mais beaucoup par les décors, mm-hmm. puis par les jeux d'ombre et lumière. J'ai passé beaucoup de temps à juste imaginer le décor dans lequel ils sont, parce que c'est un espèce de chalet immense, super luxueux, perdu dans le bois. En fait, c'est pas à eux, c'est des amis. Puis ce décor-là est quand même assez minimaliste. Fait qu'il met l'emphase sur les personnages, puis il met l'emphase aussi sur l'ambiance qui est un peu... ben, comme je disais, un peu électrique. Oui. En fait, qui vient appuyer, on sent la pluie à l'extérieur, on sent qu'il se passe quelque chose, puis en même temps, dans une maison qui est un peu Bauhaus aussi, il y a un côté froid, moderne, il y a quelque chose quand même qui s'en dégage aussi, donc c'est la maison devient, je dirais pas un personnage, mais vient appuyer un peu aussi ce qui est présenté à travers le dessin, à travers le récit. Mais en fait, je considère le chalet comme étant un personnage. Oui, carrément. D'une certaine façon. Oui. Ouais, c'est... Il y a une part dans le récit, le décor. Et à l'intérieur de ça, tu l'as mentionné, donc il y a des scènes d'amour, des scènes de baise. On explore un peu à travers ça. Est-ce que, première question, quand on essaie de présenter des de ce type de scènes-là, est-ce qu'il y a une certaine pudeur en disant, OK, j'ai essayé de montrer ça, je vais essayer de pas montrer ça, et de trouver un équilibre entre des trucs plus explicites et des moments aussi où on montre simplement des mains qui se tiennent, donc on passe de l'organe sexuel à la main, on joue un peu avec ces éléments-là, donc comment on aborde la construction? En fait, ça dépend en récit, parce que j'avais déjà fait un autre récit avant, comme justement le petit truc érotique que j'avais fait chez Colosse, un petit fanzine. Je m'attardais plus justement à tout montrer, à pas faire comment je pourrais dire. Ça dépend c'est quoi le but. Mm-hmm. Mon but en montrant les scènes de baise, en fait, c'était pas vraiment d'exciter le lecteur, c'était de montrer la relation entre les personnages. Mm-hmm. Donc je me suis permis de tout montrer. Si j'avais voulu faire quelque chose comme plus du genre BD érotique, je pense que ce qui peut exciter le lecteur d'une certaine façon, c'est plus quand on suggère des choses plutôt que les montrer. Mm-hmm. Donc, j'avais pas besoin de naviguer dans les subtilités. Moi, qu'est-ce que je voulais, en fait, c'était de montrer qu'est-ce qui se passait pour vraiment montrer... je reviens toujours à la même chose, c'est l'attention entre les deux personnages. Mm-hmm. Et effectivement, si on montre pas ces éléments-là, il y a peut-être justement la notion d'attirance, la chimie... charnel qu'on aurait peut-être moins perçu d'une certaine façon. Je ne sais pas si on l'aurait moins perçu, mais j'ai l'impression que le résultat n'aurait pas été exactement le même. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que je me suis censurée ou comment qu'on aborde ça? Moi, je suis pas partie sur un a priori qu'il fallait comme que je cache certaines affaires. T'sais. Si jamais il fallait que je montre quelque chose, ben j'y allais parce que le récit le demandait. Et en parallèle, il y a les moments justement de sexe où on a une mise en à côté avec la musique qui est toujours présente d'ailleurs dans ce que tu fais. Et parallèlement, il y a un autre moment un peu plus tôt où on a les personnages qui justement sont en train de faire une scaramouche à quatre mains et dans lequel j'ai l'impression qu'on retrouve un peu une tension similaire au bout du compte qui est unie un peu par la présence des notes de musique, par la présence importante de la musique dans ces deux moments-là. Ben, disons que La réflexion sur la musique, c'est oui, il y a le fait que quand je m'imaginais un chalet parfait, c'était évident qu'il allait avoir deux pianos, parce que, en tout cas, moi, personnellement, pour moi, une des expériences les plus hallucinantes au monde, c'est de jouer à deux pianos en face de quelqu'un. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, il fallait que j'aille, pour atteindre la perfection du chalet, il fallait que j'aille ces deux pianos-là, puis une scène où est-ce qu'ils jouent. Puis, en même temps... tout l'aspect de la musique, parce que moi je viens surtout du monde de la musique classique, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on prend des partitions qui sont déjà écrites, puis ensuite il y a pas vraiment de place à l'improvisation, il y a juste place à l'interprétation, qui est quand même une place énorme, mais qui est quand même limitée par les notes qui sont écrites sur une portée. Puis c'est sûr que la scène de la fin où est-ce qu'il y a une scène de baise où est-ce qu'on voit une partition de baise, la scène de la partition de baise fait directement écho à la scène où est-ce que les deux jouent au piano. Mais quand les deux jouent au piano, c'est normal parce qu'ils suivent une partition. Mm-hmm. Puis c'est quelque chose qui, normalement, est écrit à l'avance. Mm-hmm. Mais une baise, d'habitude, c'est pas écrit à l'avance, c'est tout le temps improvisé. Donc, je voulais qu'on sente que, il y a une façon peut-être différente d'aborder les relations. Puis c'est plus l'idée de la fille aussi, parce que la fille a une conception du couple qui est pas la même que celle du gars. Elle aimerait ça que ce soit quelque chose de plus planifié. C'est pour ça qu'elle propose une partition. Mm-hmm. Oui, donc, en fond, de jouer un peu avec ces perceptions-là qui viennent, et on le mentionnait tout à l'heure, qui viennent justement définir aussi la nature de la relation de ces deux personnes-là, qui viennent définir cette chimie-là, et au bout du compte, qui viennent définir l'intimité qu'on découvre au fil des 128 pages là, des deuxièmes. Oui, 128 pages, mon Dieu. Si je me trompe pas, en fait. Non, je 128, pense que c'est, ouais, exactement. Je sais plus par cœur, là. Et est-ce que c'est le genre, justement, en terminant de récits, que tu as envie d'explorer un peu plus au fil, parce qu'on t'a vu pas mal l'année dernière avec l'Hosticha, l'édition du blog, donc qui était peut-être un peu plus légère, avec des récits donc un peu plus axés sur l'ambiance, où on découvre aussi vraiment, justement, ton travail au niveau du trait, au niveau du dessin, des compositions, etc. Ben, en fait, je tire un peu dans tous les sens. Pour l'instant, là, j'ai fait un récit qui était un peu plus intimiste. Probablement que mon prochain, ça va être, il va avoir probablement beaucoup plus d'humour. J'aime ça aller à gauche, à droite, en venir. Pour l'instant, mes projets pour qui vont suivre, ça va pas être quelque chose qui va ressembler au deuxième. Ça va être quelque chose de complètement différent. Une question d'équilibre. Ouais, si on veut. Ou c'est juste parce que ça m'amuse. Alors, ben, on continue de suivre et de découvrir ça, mais d'ici là, donc sur le très court terme, ben, on invite les gens à jeter un coup d'œil et à plonger donc dans l'intimité de ces personnes avec les deuxièmes. C'est aux éditions Pow Pow. Zviane, merci. Ben, merci beaucoup. Et au plaisir. Au plaisir. Et nous, on part avec un dernier extrait musical, toujours de cette formation qui s'appelle Yarzmier. On écoute un extrait qui s'appelle Alone. Et vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD. En début d'émission, on parlait du magazine Cro et Bel Hasard, en fait, dans le cadre de sa chronique BD anglophone, Mathieu Place avait envie d'explorer, lui, le magazine MAD. Donc, on est un peu dans un registre similaire. Mathieu Place, bonjour. Ben oui, on pourra en parler tantôt, là, les comparaisons entre les deux, les différences, les ressemblances entre les deux magazines. C'est sûr que, je sais pas si t'en as parlé tantôt, là, mais Cro a l'air d'être inspiré de MAD un oui, peu. Oui, ben enfin, ils ont même fait MAD Québec en cours de route par après. Ouais, donc, OK, fait qu'il y avait déjà okay, une correspondance là, officielle là, par rapport à ça. Ben, MAD Magazine, là, pour ceux qui connaissent moins ce magazine-là, écoutez, en 1952, c'est là que c'est apparu et ça existe toujours encore. Alors, avec tout ce qui existe là, comme média aujourd'hui, bon, il y a eu l'explosion de la télévision, il y a eu Internet, il y a eu le vidéo à la maison, il y a eu toutes sortes de révolutions qui se sont passées depuis ce temps-là. Ils ont réussi à durer. MAD Magazine existe encore, existe toujours. C'est sûr que les grandes années de MAD, c'était plus dans les années 70. Bon, c'est sûr que les époques peuvent... les époques d'or peuvent différer d'une personne à l'autre, mais si on parle de tirage en tant que tel, c'est vraiment dans les années 70 que MAD a atteint son maximum et ça s'est rendu jusqu'à 2 millions de copies vendues par magazine. Faut le faire, hein, t'sais, 2 millions de copies pour un magazine qui sortait à peu près 8 fois par année, une espèce de chiffre bizarre là, pour un tirage, c'est quand même assez impressionnant. Aujourd'hui, tout ce qui est satire, on en voit partout. Hein, tu sais, on a beaucoup de satire dans les médias. On a les Simpsons, South Park, Saturday Night Live, Daily News. Beaucoup de satire dans les médias américains. C'est une sorte d'humour là qui est vraiment prisé par la culture américaine puis les médias américains. Oui, qui était peut-être moins présent à l'époque ou présent différemment à l'époque de la Fondation. C'est ça, exactement. On parle souvent que MAD était vraiment à l'origine de tout ça. C'est que en début des années 50, la société américaine était quand même assez puritaine. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait encore le macartisme. C'était la société Mad Men là, que vous pouvez voir à la télévision. Évidemment, il y avait des franges à cette société-là, il y avait des courants alternatifs, mais somme toute, dans les médias officiels, ça restait quand même très très sobre et très régularisé. Même qu'à l'époque, il y avait des bandes dessinées qui étaient destinées aux enfants, qui étaient des bandes dessinées d'horreur, si on voulait, et qui ont été interdites. Il y avait vraiment beaucoup de règles qui avaient été établies à cette époque-là. À cette époque-là, il y a Harvey Kurtzman qui a décidé de partir un magazine de satire, ce qui était MAD Magazine, et c'est vraiment lui qui a tenu le magazine là, sur ses épaules pendant une, deux années. Là, ça a vraiment été lui qui a été le chef d'orchestre pendant quelques années. Et le but de ce magazine-là, c'était vraiment de se moquer de tout. Et puis c'est ça qui est resté pendant tout son règne. C'est vraiment de se moquer de tout. Alors, de pas gêner. Là. C'est ça, on gêne pas, on prend pas de prisonniers, puis on se moque vraiment de tout ce qui est à gauche, à droite, n'importe qui va vraiment passer sous le rouleau compresseur de Mad là, à chaque magazine. Éventuellement, ils se sont rendus compte que ce qui intéressait beaucoup les lecteurs, c'était beaucoup la culture populaire. C'est moins la politique, moins la vie de tous les jours, mais c'était vraiment la culture populaire, les films, la musique. Et Mad s'est vraiment fait un malin plaisir à se moquer de ça, là, vraiment, d'une part à l'autre. Alors, à chaque magazine, eh bien, vous avez une satire d'un film en particulier. Alors, moi, je me souviens, dans les débuts des années 80, eh bien, il y avait les Star Wars qui étaient sortis. Et à chaque fois, on avait une espèce de satire d'un épisode de Star Wars. Et puis là, on déconstruisait complètement le film. Alors, si vous aimiez le film, après ça, vous regardiez le magazine Mad, vous lisiez le magazine, puis là, vous vous rendiez compte que c'était vraiment de la bullshit, finalement. Tu sais, c'était vraiment... Il faisait en sorte que n'importe quel film qu'on pouvait trouver original au départ, on finissait par se rendre compte, ah ben finalement, c'est exactement une recette Hollywood de départ. Il y avait une citation que j'avais lue qui était vraiment intéressante par rapport à Mad. Il y a le BDiste Art Spiegelman qui a fait Mouse et puis bon qui est devenu une grande vedette du média de la bande dessinée. Il décrivait Mad, il disait le message essentiel de Mad Magazine au départ, c'était vraiment les médias vous mentent et nous sommes les médias. Alors, c'est vraiment une espèce de message contradictoire. Oui, en fait, une espèce de roue qui tourne, le serpent qui mange sa queue, etc. Exactement. Tu sais, c'est que Mad se cachait pas, qu'il faisait partie des médias, et puis bon, il disait les médias, c'est de la bullshit pour utiliser le terme anglais. Et nous aussi, on vous ment là, au travers de tout ça. Alors, tu sais, c'était vraiment un message très cynique, mais qui nous faisait voir la société, puis bon, surtout les médias, d'une autre manière, d'une autre lumière. Et puis bon, c'est devenu assez commun là, dans les médias. Bon, les Simpsons ont gardé le même ton, la satire. Il y a des moments où on rit franc, des moments où on rit jaune, des moments où on joue entre les genres à l'intérieur même d'un produit, mm-hmm. D'un même produit. Donc, ça crée, ça désarçonne peut-être. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que bon, Mad leur a permis de s'ouvrir la tête là, vers une espèce de critique de la société. Bon, c'est sûr que le but de départ, c'était vraiment de faire rire, mais au travers de ça, ça a vraiment bâti une espèce de base de la satire américaine. En fait, quelques éléments par rapport à Mad. Bon, vous connaissez sûrement l'icône de Mad, Alfred E. Newman, alors qui est à peu près sur tous les magazines de Mad depuis la fin des années 60. Alors, ce personnage-là, au départ, c'était vraiment un personnage qui appartenait à l'histoire américaine. C'était une espèce d'icône, un dessin qui était utilisé dans toutes sortes de publicités. C'était un dessin qui avait été fait pour des publicités au départ. Et, il était utilisé pour vendre du dentifrice ou toutes sortes de produits ménagers. Et éventuellement, Mad a décidé de l'utiliser pour faire une espèce de candidat à la présidence des États-Unis. Et ils l'ont mis sur la page couverture. Et puis, bon, ça a tellement bien fonctionné. Ils ont adopté le personnage. Alors, c'est un personnage, j'imagine que vous le voyez dans votre tête, là, c'est un garçon avec qui manque une dent. Et il dit What me worry? En fait, c'est comme une espèce de gars un peu nonchalant, qui avec une attitude il y a pas grand-chose là qui pourrait l'atteindre là, si vous voulez. Et puis bon, c'est un peu l'attitude du magazine là, qui était reportée là-dedans. Alors tous les personnages de la culture populaire ont pris les traits de Alfred Newman. Je me souviens de Darth Vader justement là qui avait les traits de Alfred Newman. Il y a Chewbacca, des hommes, des femmes, des hommes des politiciens là récemment. Il y avait Barack Obama qui avait les traits de Alfred Newman sur la page couverture. C'est ça. Donc, on garde la recette. Ça c'est devenu l'identité à force de l'avoir fait, mais c'est rendu dans la matière grise, si on peut dire, dans la matière nette du magazine. C'est ça, exactement. C'est devenu l'espèce de ton là, qui était donné au magazine par la suite. Et ce personnage-là est tellement devenu une icône qu'il y a une anecdote justement par rapport à ça. C'est qu'il paraît qu'à un moment donné, les gens du magazine ont décidé de faire un test. Ils ont demandé à un lecteur aux États-Unis de faire une enveloppe, une lettre qui était adressée au magazine. Mais au lieu d'avoir l'adresse complète sur l'enveloppe en question, ils ont juste mis la photo de Alfred Newman. Rien d'autre, un timbre. Pour voir si ça allait se rendre. Juste pour voir si ça se rendrait. Et ça s'est rendu. Alors, c'était vraiment imprégné dans la culture américaine. Les gens de la poste ont fini par comprendre de quoi il s'agissait. Ils ont associé le visage de Alfred Newman au magazine et puis ça s'est rendu là, finalement. Alors c'est vraiment rentré dans la culture américaine et justement le magazine Mad a aussi fait entrer même des nouvelles lois là, dans la culture américaine et dans la juridiction américaine. Ben en fait c'est qu'ils ont tellement été poursuivis par toutes sortes de gens qu'à un moment donné, bon vous savez comment fonctionne le système américain, c'est ça fonctionne par précédent. Alors le système juridique établit des lois et établit d'autres lois sur les nouveaux jugements qui sont rapportés là, au fur et à mesure. À un moment donné, Mad Magazine a décidé de faire une parodie de chanson. Alors, tout simplement, ils écrivaient les paroles dans leur magazine et puis ils disaient, bon, ben chantez ça sur l'air de tel air connu là, qui passait à la radio à l'époque. Et là, ils demandaient des droits pour le fait d'avoir mentionné la chanson. Ben, exactement. Les gens qui avaient les droits de cette chanson-là disaient, bon, ben vous avez pas le droit de Mad Magazine de faire une parodie de notre chanson. C'est juste nous qui avons droit d'utiliser cette chanson-là. Puis il n'y avait même pas de musique, là. Il n'y avait rien. C'était vraiment juste. Il avait juste dit le nom, chanter ces paroles-là, qui n'étaient même pas les paroles de la chanson, chantez-les sur cette air de musique-là. Et puis, bon, là, évidemment, c'est un peu ridicule, là, vu de notre époque, parce que là, c'est vraiment intégré dans les mœurs. Mais à ce moment-là, on ne savait pas trop c'était quoi qui allait se passer. Finalement, bon, ça s'est rendu en cour supérieure aux États-Unis. C'est devenu tout un gros cas. Et finalement, c'est Mad qui a gagné. Alors, à partir de là, ils ont établi un précédent qui est devenu historique, c'est-à-dire que les comédiens, les magazines, tout ce qui est humour aux États-Unis pouvaient faire des parodies de chansons, même en utilisant la musique. C'est devenu un précédent comme quoi les droits d'auteur dépassaient pas cette limite-là. Là. C'est-à-dire que la parodie pouvait être possible là, justement à ce moment-là, grâce à Mad Magazine qui a tenu son bout jusqu'au bout. Dans les influences, là, je vais en donner une dernière là, qui est quand même assez importante. Au milieu des années 70, à New York, il y a un magazine qui est apparu qui s'appelait Punk. En fait, c'était un fanzine américain à New York qui a été établi et qui parlait de tout ce qui se passait au CBGB, alors Patti Smith, les Ramones, tous ces musiciens-là qui étaient en train d'inventer le nouveau style musical de la fin des années 70. Alors, les gens de Punk Magazine étaient vraiment des très grands fans de Mad Magazine. Alors, ils voulaient tourner en dérision tout ce qui était culture populaire américaine, médias, etc. Et ils ont établi un fanzine qui a fini par faire boule de neige et qui a fait exploser la scène et une espèce de culture américaine punk de New York qui a fait le tour du monde par la suite. Alors, ça a vraiment fait des petits, même au travers de la musique et de d'autres médias que le magazine. Alors, c'est une pierre angulaire du 20e siècle américain. À garder en tête quand on observe le magazine, exact. Quand on lit ou si on retombe dans les archives de cet univers-là. C'est ça, à voir, hein, parce qu'il y a toutes sortes d'albums qui existent où est-ce que vous pouvez retrouver tous ces magazines-là. On va voir pour le futur qu'est-ce qui va arriver parce que le magazine est en grande redéfinition, mais à suivre. Alors ben Mathieu Place, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Et nous, ben c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous sur les ondes du 89.1 CKRL.